Parfois, on veut vraiment insister et dire un ou une, comme un livre ou une personne. Dans ce cas, le mot pour un ou une se dit en chinois 一个, 一, double levé, que, le point fermé, 一个, pour dire un ou une. Et c'est le même que que celui à la fin de ceci ou cela. Oui, exactement. 一个. 一个. Il n'y a qu'un seul homme à la tête de la Ligue 1. Et en transcription phonétique officielle, cela s'écrit Y-I avec le doigt bleu levé, G-E. Donc, comment dites-vous homme, personne ? Jeune. Et comment dites-vous un homme ? Yige. Jeune. Yige. Ren. Ah, quand est-ce qu'il faut utiliser Yige au lieu de... au lieu de simplement laisser un blanc comme on l'avait fait avant? Parfois, on parle de plusieurs personnes ou de quelques livres, mais on peut aussi vouloir dire dans la même phrase un livre. Ou bien un seul livre. Oui, un livre, un seul. D'accord. Un livre, un seul livre, on utilise le mot. 一个, 一, désigne le chiffre 1. Ah, c'est parfait alors. Et go est le mot de remplissage que nous avons vu avant, le mot vide, comme dans celui-ci, celui-là. C'est ça, 一个. Et si on ne sait pas bien l'utiliser, est-ce qu'on sera quand même compris si on... Oui, oui, vous pouvez ne pas le mettre, vous dites simplement, c'est une bonne personne, sans l'article ou le chiffre 1, 1. Ça ira, oui, mais si vous voulez préciser qu'il s'agit d'une seule personne avec une idée de nombre... Alors il vaut mieux utiliser ce « yige ». Donc, à la question « Pourquoi veux-tu lui parler ?»« Pourquoi veux-tu le rencontrer ?» La réponse sera « Parce que tu dis que c'est un homme sympathique. » Mais comme il est inutile de traduire le « que » en chinois, on dira littéralement « Parce que tu dis, il est un homme sympathique. » Alors, dites d'abord « parce que ». Mais on ne connaît pas « sympathique ». Alors, quel est le mot pour dire « bien » ? Bien, ah oui, bien sûr. Je peux utiliser « bien », merci. Donc, pourquoi est-ce que je veux un rendez-vous avec cet homme ? Parce que tu dis que c'est un homme sympathique. Alors, parce que... In... ouais. Tu dis... Ni... shuo... C'est un homme sympathique ou un homme bien. Ta... Eh, pensez à la maîtresse d'école. Qu'a-t-elle sur sa tête? Mon problème, c'est pas le mot « est », mais je me demandais si « bien » est aussi un adjectif à moteur intégré. Oui, il est bien, je n'ai pas besoin de « est » parce que « bien » signifie « être bien », mais pour « c'est un homme bien », je dois mettre « être ». C'est ça. Désolée, je reprends. Ta shi. Un homme sympathique, un homme bien. Yige hao ren. Comment dites-vous parce que? Yin wei. Oui. Yin wei. Yin wei. Oui, rappelez-vous, hein. Il est très in wei. Je m'en souviendrai, merci. Parce que tu dis que c'est un homme sympathique. 因为你说他是一个好人. Dites-moi, qui es-tu? En fait, c'est tu es qui? 你是谁? Qui es-tu? 你是谁? Comment direz-vous? Qui est cette personne-là? Cette personne-là est qui? Nage ren shi shi. Qui est cette personne-là? Nage ren shi shi. C'est ma petite amie. Dites d'abord ce, celle-là. Nage. Alors revenons un peu en arrière. Comment dites-vous celle-là? Juste celle-là est. Pardon, ce n'est pas cette personne-là? Donc, na shi wo de nu pen yao nu pen pen yo. Comment dites-vous ami? Pen yo. Non, il faut dire peng yao. Peng yao. C'est ça. Peng yao. Peng yao. C'est ma petite amie là. Na shi wo de nu peng yao. Comment dites-vous bonjour? Ni hao. Comment dites-vous bonjour? Ni hao. C'est ça. Ni hao. Et comment répondez-vous? Ni hao. Comment vas-tu? Ni hao ma. Ni hao ma. Je vais bien. Wo. Hao, non, wo shi hao. Alors revoyons cela. Que signifie le mot bien? Il veut dire eh bien. Ouais, il signifie être bien. Et il y a la règle des deux syllabes. Donc, a-t-on besoin d'employer est en plus? Hein, si l'idée d'être est déjà dans le mot, c'est en trop. Et le chinois supprime le superflu, toujours. Donc, encore une fois, je vais bien. Et il faut le mot de remplissage. Oui, nous avons besoin du mot de remplissage. Je vais bien. Donc, si quelqu'un vous demande... Comment vas-tu? Vous pouvez répondre « je vais très bien » ou simplement dire « très bien ». Et pour « je vais bien », vous pouvez juste répondre « bien ». Vous pouvez supprimer le « je ». Comment va-t-on répondre sans le « je » ? Hen hao. Ou vous pouvez simplement dire « hao ». Mais si vous dites « je vais bien », il faut ajouter ce mot vide. Donc, vous pouvez juste répondre « être bien », c'est-à-dire « ou bien répondre avec le mot vide. Ou encore répondre « je », mot vide, « être bien ». Et vous entendrez toutes ces réponses quand vous irez en Chine, car toutes sont utilisées.